بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد frères et sœurs l'islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue encore une fois à une autre séance de l'étude de la croyance islamique selon le fameux texte العقيدة الطحاوية de l'imam الطحاوي رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى et le شرح fait par l'imam ابن أبي العز عليه رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. Je le rappelle encore une fois, on parle du concept de la foi. On parle du concept de l'Iman. C'est le premier chapitre important de cette aqida qu'on est en train d'étudier. Et on va passer maintenant à une section qui est très importante, qui nous parle de ce qu'on appelle ziyadatul imani wa nuqsanuhu. En d'autres termes, ce qu'on pourrait traduire comme étant le phénomène de variation dans la foi. Ça veut dire la foi est caractérisé par sa variation. Quand on parle de variation, c'est le contraire de la stabilité. Voyez-vous, donc quand on parle de variation, ça veut dire c'est une quantité qui va être dynamique. Ça veut dire qui monte ou bien qui descend. Ça veut dire la foi en réalité n'est pas fixe, n'est pas stable. Ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas une question de vrai ou faux. C'est une question qui est plus détaillée, plus nuancée. Ça peut monter, ça peut descendre. Al-Iman ou Yazid ou Yanqusu. Et c'est pour ça que l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici dans son texte, qala, rahimahullah ta'ala, wal-Imanu wahidun, wa ahluhu fi aslihi sawa. Il dit, la foi est unique. Et les gens qui ont la foi, les gens de l'Iman, ont tous pour commun l'essence de cette foi, la source de cette foi. Ça veut dire elle est commune à tous. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'il dit ici? Pas nécessairement. Voyez-vous, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas vraiment notre sujet pour ne pas compliquer les choses, mais il y a des savants qui l'ont critiqué pour ça. Quand il dit « Al-Iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa » il dit « La foi est unique ». En se basant sur le fait que la foi, elle est dans le cœur. Mais ça, c'est faux du fait que la foi n'est pas simplement dans le cœur. Et c'est faux aussi du fait que même la foi qui est à l'intérieur du cœur n'est pas la même, comme il va l'expliquer lui-même juste après. C'est pour ça qu'il nous dit وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى. Il nous dit que tous les gens de l'Iman, tous les mu'minines, ont tous comme commun leur foi qui est à l'intérieur de leur cœur. Mais la différence entre eux par la suite va se faire de par leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, leurs bonnes actions et ainsi de suite. Ça veut dire oui, d'un côté ils sont tous égaux dans leur foi, mais de l'autre côté il y a quelque chose qui est différente. Ben cette chose-là qui est différente c'est la foi. Donc ça revient à dire que la foi n'est pas unique, elle est différentes. Comme on a dit, les savants ont détaillé encore plus que ce que je suis en train d'expliquer que, en tant que réponse de ce que l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il a lui-même annoncé. Donc ici, regardez. Imam al-Sharih, ça veut dire celui qui a expliqué ces mots-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-kufru ma'al iman kal-ama ma'al basar. Si on compare le iman, la croyance, la foi, avec la mécréance, c'est exactement comme l'exemple de celui qui voit et de celui qui ne voit pas. Celui qui a le vrai iman, le iman complet, c'est celui qui voit. Celui qui ne voit rien, c'est comme le mécréant. Il a un voile sur son cœur. Mais entre celui qui voit très bien et entre celui qui ne voit pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de degrés, voyez-vous. Il y a des personnes qui portent des lunettes comme moi, voyez-vous. Et ces lunettes-là ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des personnes qui ont besoin de lunettes pour voir certains détails. Il y a des personnes qui ont besoin de lunettes pour pouvoir marcher, voyez-vous. Donc, la vue, elle peut dépendre d'une personne à une autre. Exactement la même chose. Le tasdir, la croyance qui est à l'intérieur du cœur en tant que telle, n'est pas la même entre deux personnes. Personne ne peut prétendre que le iman de l'un d'entre nous, ici, est le même que le iman de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an, sans arriver même à comparer notre iman, notre croyance, même pas le imam en tant que tel, même si on parle juste de la croyance en tant que tel, on s'entend tous pour dire que ma croyance à moi, que votre croyance à vous n'est pas comme la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas comme la croyance de Jibril alayhi salam, et ainsi de suite. On est d'accord sur ça, n'est-ce pas? Donc, même la croyance qui est dans le cœur n'est pas égale. Elle est différente d'une personne à une autre. Et cette différence va se faire par le yaqin, par la certitude que la personne est là, l'attachement qu'elle a à ses croyances, et par aussi la connaissance, les informations. Comme on l'a expliqué un peu plus auparavant, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ceux qui sont, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Un musulman normal, comme ils disent monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas comme un savant. N'est-ce pas? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, un musulman normal, dis-lui c'est qui Allah, il va te dire Allah c'est mon créateur. Quoi d'autre? Allah c'est Al-Ghafour Rahim. Quoi d'autre? Allah c'est Al-Karim. Il pourra te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 15 minutes. Un savant pourra te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 60 heures. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, même la connaissance en tant que telle, elle affecte la croyance qu'il y a à l'intérieur du cœur. Quelqu'un, il a une connaissance générale, c'est une croyance qui est globale. Quelqu'un, il a une connaissance qui est beaucoup plus détaillée, ça va donner une croyance qui est plus spécifique et plus détaillée en quelque sorte. Non. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم. En passant, je viens juste de donner un exemple. Juste un exemple sur la variation de la foi, sur la différence de la foi entre une personne et une autre, qui est la variation pour ce qui est de la croyance. On va mentionner tout à l'heure, inchallah, d'autres formes de variation dans la foi. Ce n'est pas la seule forme. On a mentionné seulement un seul exemple. وَلِهَذَا تَظْهَرُ الْأَنْوَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْمَانِهِمْ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ بِحَسَبِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ عِلْمًا وَعَمَلًا. C'est pour ça, comme dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque croyant aura une lumière. Chaque croyant aura une lumière qui va le guider sur As-Sirat, n'est-ce pas, le pont qui va traverser pour pouvoir traverser, pour ne pas tomber dans l'enfer, ou l'iyadu billah, pour pouvoir traverser et entrer au paradis. Chacun, chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une lumière. Est-ce que cette lumière-là est égale entre une personne et une autre? Non. Elle dépend d'une personne à une autre à cause de quoi? Dépendamment de la foi que la personne avait dans ce bas monde. Et c'est pour ça que les hypocrites, les munafiqis ne vont pas avoir de lumière. Vous comprenez? Donc, la foi dans ce bas monde, elle détermine la lumière que tu vas avoir le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa kullama ishtadda nuru hadhihi al-kalima wa 'azama ahraqa min ash-shubuhati wash-shahawati bihasabi quwwatihi. Nous dit la puissance de la foi, de la croyance relative à la ilaha illallah à l'intérieur du cœur, dépendamment de la puissance de cette lumière à l'intérieur du cœur, même dans ce bas monde, dépendamment de la puissance de ce feu, de cette lumière à l'intérieur, elle va brûler quoi? Les shahawat et les shubuhat. Les shahawat, c'est les passions, les tentations. Et les shubuhat, c'est les ambiguïtés, les doutes. Voyez-vous? Donc, il y a quelqu'un qui a une foi qui est faible dans son cœur. Il suffit d'une petite tentation pour le faire tomber dans la désobéissance. Il suffit d'une petite ambiguïté pour le faire douter de sa religion. Il y a quelqu'un qui a la foi qui est très puissante dans son cœur. La lumière est intense à l'intérieur de son cœur. Et de ce fait, même une tentation hyper puissante va être brûlée par cette lumière-là qui existe à l'intérieur du cœur. Même une ambiguïté qui est sérieuse va être brûlée par le yaqin et par la certitude que la personne a à l'intérieur de son cœur. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que, encore une fois, on revient, que la racine de l'iman, elle est à l'intérieur du cœur, et c'est elle, la puissance qui est à l'intérieur du cœur, c'est ça qui va illuminer les actions de la personne. Même si les actions font partie du concept de la foi. C'est une continuité. Est-ce que c'est clair? طيب. Il nous dit par la suite, وَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Il dit, si tu comprends ça, tu vas comprendre quel est le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'accès à l'enfer à toute personne qui dit « La ilaha illallah » en voulant par ça le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit « La ilaha illallah » et qu'il a dit pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'enfer lui sera interdit. » Ça veut dire qu'il ne va pas entrer en enfer. Maintenant, comment tu vas comprendre un hadith comme ça? Donc, une possibilité, n'est-ce pas? Certains ulama, comment ils vont expliquer ce hadith? Ils vont dire, on ne peut pas dire, le hadith, il dit seulement interdire. Ça veut dire, il doit y avoir quelque chose qui est sous-entendu dans le hadith. C'est parce que sinon, ça voudrait dire, chacun qui va dire la ilaha illallah, il commet tous les péchés, il va dire, moi, je ne vais jamais entrer en enfer. Sachant que le Coran nous dit que ceux qui commettent les péchés vont peut-être aller en enfer. Donc, selon certains ulama, comme le frère, il dit, l'interprétation, c'est quoi? C'est que l'enfer éternel lui est interdit. Bien qu'il puisse peut-être il va entrer en enfer. Mais après ça, Allah subhanahu wa ta'ala va le sauver de l'enfer. Une autre possibilité, certains autres ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avant ça, ils ont dit « Qabla wurudi l'amri wa nahi ». Il y a des ulama, ils ont dit « Non, peut-être que ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit au début de l'islam, avant que les détails de la religion ne soient révélé. Ça veut dire la seule religion qui existait dans le temps, tu dis la ilaha illallah, était musulman, t'es croyant à 100%. Il y a d'autres ulama qui ont dit non. Hamalaha ba'duhum ala nari al-mushrikin wal-kuffar. Ils ont dit non. Peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du feu intense que Allah subhanahu wa ta'ala a consacré, a réservé pour les mécréants. Ça veut dire qu'il va y avoir un enfer pour les mécréants qu'un croyant ne va jamais entrer. Il va y avoir un enfer pour les croyants seulement qui ont commis des péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala va les punir pour leurs péchés. Après ça, ils vont aller au paradis. Oui. Peut-être parce que aussi le fait de dire shahada, sincèrement, ça comprend tout le reste. Ça comprend, la pratique. Ouais. Oui, en quelque forme. C'est comme le frère il dit, n'est-ce pas? C'est bon, je vais expliquer qu'est-ce que je devais faire. Après ça, je vais prendre l'explication du frère parce que c'est une continuité. En vérité, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, c'est que celui qui dit « La ilaha illallah »« Yabtari biha wajhallahi » et qui est vraiment intense à l'intérieur de son cœur. Ça veut dire, implication directe, cette force de « La ilaha illallah » qui est à l'intérieur du cœur va brûler le restant des shubuhat, des ambiguïtés, ainsi que des tentations. Et va même parfois brûler certains péchés que la personne pourrait faire parfois à droite et à gauche par erreur. Si le iman est puissant à l'intérieur du cœur, ce iman-là qui est à l'intérieur du cœur peut brûler certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas punir une telle personne. Comme dans le hadith par exemple, comme il nous dit ici, وتأمل فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. Il nous dit c'est parce que les actions peuvent dépendre d'une personne à une autre, la valeur de l'action, l'importance de l'action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala peut dépendre d'une personne à une autre, pas seulement par l'action en tant que telle, mais aussi par ce qui est à l'intérieur du cœur. Ça veut dire, on sait dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que pour les gens qui font leur prière lors de la salate, il y a quelqu'un qui va sortir de sa salate avec le dixième de la récompense, un autre qui va sortir avec le quart de la récompense, un autre avec la moitié de la récompense, et ainsi de suite. Donc la récompense pour la salate peut différer d'une personne à une autre à cause de quoi? De la concentration, du khushu', de la présence du cœur lors de la prière en tant que tel. Ça veut dire, quand on juge de l'action, c'est quoi la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner pour cette action? Il ne faut pas faire l'erreur de juger seulement par l'apparence de l'action en tant que tel. C'est parce que là, ça c'est la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? L'action, même la salat, ce qu'on fait, c'est seulement ce qu'on apprend dans le fiqh, c'est l'aspect apparent de la prière. Mais il y a aussi un aspect qui est à l'intérieur du cœur, qui est la continuité en tant que tête de la prière, qui est la concentration, le khushu'. C'est de là où tu vas comprendre l'erreur de plusieurs personnes. Ne comprennent pas ça, il va te dire, lui, mashallah, c'est quelqu'un, il a un iman qui est fort. Lui, c'est un iman qui est faible. Pourquoi? C'est parce que lui, il fait plus de prières que l'autre. Lui, il passe plus de temps à la mosquée que l'autre, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. C'est comme la relation entre les deux, entre l'interne et entre l'externe. L'un des meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est comme la multiplication. Tu as l'interne et l'externe. L'interne multiplié par l'externe égale la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder, n'est-ce pas? Si l'interne est égal à zéro, quelle est la récompense? Zéro. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de ikhlas, il ne fait pas cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'action n'est pas acceptée. Si l'interne est très fort, quelqu'un est très sincère, mais il ne fait pas d'action, ou bien l'action qu'il fait, c'est une action qui est invalide. Il fait la prière sans faire le wudu, volontairement. Quelle est la récompense? Zéro. Mais après ça, quand les deux sont présents, n'est-ce pas? C'est les deux qui vont entrer en tant que facteur qui va déterminer c'est quoi la récompense finale que la personne va avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est dans le cœur, tu ne devrais pas sauter à la conclusion de déduire que cette personne-là, elle va avoir telle récompense et telle autre récompense. On va parler de ça un peu plus tard, inshallah ta'ala, question de « ash-shahadatu li mu'ayyanin ». Tu ne peux pas juger d'une personne en particulier. Soit qu'elle va aller en enfer, tu ne peux pas dire que quelqu'un va aller en enfer, et tu ne peux pas dire aussi que quelqu'un va aller au paradis. Tu ne peux pas juger, tu ne sais pas. Comme certains frères, il va aller chez quelqu'un parce qu'il voit qu'il est pratiquant, etc. Il va dire, s'il te plaît, fais-nous des du'as, si tu peux nous emmener avec toi au paradis. A'oudou billah. Qui t'a dit que lui, il va aller au paradis? Comment est-ce que tu te permets, toi qui ne te considères pas très pratiquant déjà, comment est-ce que tu te permets de juger à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son sort, alors que même lui-même, il n'a pas jugé de son propre sort, de dire que moi, je vais aller au paradis. Donc, il faut faire attention. La récompense des actions est, entre autres, dépendant de ce qui est à l'intérieur du cœur. Il y avait une question? Non, c'est juste aussi ça. Ça peut aller à moins. Yahamukullah. Ça peut aller aussi à moins. Comme si on n'a rien à l'intérieur, c'est zéro, mais ça peut aller à moins aussi. Comment? Si à l'intérieur, tu as l'ostentation, oui, exactement. Exactement. T'es un mathématicien, machin. طيب. وتأمل حديث البطاقة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a parlé de hadith al-bitaqa. Hadith al-bitaqa, c'est quoi? On appelle ça le hadith de la carte. Le hadith de al-bitaqa. C'est que le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un homme, une personne, qui a 99 registres. 99 registres. Plein de péchés et de mauvaises actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire venir tous ces péchés-là, 99 registres, et va lui dire, voilà tes péchés. Bien sûr, je donne le sens général du hadith, pas mot par mot. Voilà tes péchés. Est-ce que tu as une hasana? Est-ce que tu as une bonne action pour faire face à tout ça? Il va dire non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, justice. Aucune action n'est perdue. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir une carte, bitaqa, c'est pour ça qu'on appelle hadith al-bitaqa, hadith de la carte, sur laquelle c'est écrit la ilaha illallah. Et elle va être mise sur l'autre côté de la balance et elle va être plus lourde que tous les autres registres. Ça veut dire qu'elle va annuler l'effet de tous les autres péchés. Ça, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Est-ce que ce hadith-là s'applique pour tous les musulmans, pour tous les croyants? Est-ce que ça s'applique pour tous les croyants? Tous les croyants, le jour dernier, vont ramener 99 registres de péchés, pleins de péchés, et il suffit de mettre une carte de la ilaha illallah, et ça y est, tous les péchés vont partir? Non. Sinon, pourquoi est-ce qu'on doit faire les bonnes actions, et pourquoi est-ce qu'on doit faire la taouba, et pourquoi ça veut dire tous les hadiths qui nous parlent de la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., ne servent plus à rien. Tant que tu dis la ilaha illallah, tu vas entrer au paradis. Mais ici, comme les ulama, ils ont expliqué, n'est-ce pas? C'est pour une personne en particulier pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala savait que sans la ilaha illallah, qu'une fois elle a dit dans sa vie, ou bien lors de sa vie, ou autre chose, a été dit avec une présence tellement intense du cœur, tellement de khushu' et de concentration et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette action-là de la ilaha illallah a été tellement lourde qu'elle efface 99 registres de péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons un autre hadith que vous connaissez tous. Hadith al-Baghi, la femme prostituée de Banu Israël, du temps de Banu Israël, n'est-ce pas que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, qu'une fois, elle a donné à boire à un chien qui avait soif. Et par cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Elle est entrée au paradis. Encore une fois, le hadith, si tu le prends simplement comme ça, tu le détaches de tous les autres textes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne regardes que ce texte dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu risques de déraper, comme on l'explique à chaque fois, que habituellement les sectes, n'est-ce pas, les égarements dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, arrivent quand quelqu'un va sélectionner quelques textes qui vont selon ses passions, il va les détacher de l'ordre général de la religion, des autres textes, et il va construire sa religion sur ces textes-là. Entre autres, ce hadith-là, voyez-vous, quelqu'un pourrait dire, ok, si une prostituée de Banu Israël a donné à boire à un chien, elle est entrée au paradis, moi, je n'ai pas commis les mêmes péchés comme elle, même si j'ai beaucoup de péchés, et je ne vais pas donner boire à un chien, je vais donner boire à des orphelins, plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un chien. Et ça y est, le paradis m'est garanti. Est-ce que c'est ça le sens? Non. Mais comme les ulama, ils ont dit que probablement que cette action-là, qui est de donner à boire à un chien, est-ce que c'est une action importante ou petite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toute bonne action est importante. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'. Mais ici on parle de yani du point de vue relatif. Est-ce que donner à boire à un chien, est-ce que c'est comme faire la prière de l'Fajr à la mosquée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc relativement, c'est une action qui est minime dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ce soit une bonne action. Voyez-vous? Mais ici, la récompense pour cette action-là ne dépend pas seulement de l'action en tant que telle, ça dépend du deuxième facteur qui est la présence du cœur lors de cette action en tant que telle. Donc comme les ulama, ils disent que probablement le khushu' et le tawhid et le ikhlas que cette femme-là avait à ce moment-là en faisant cette action était tellement puissant que la récompense était tellement immense qu'elle a effacé tous les péchés qui étaient antérieurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné et lui a donné accès au paradis. Vous comprenez? Vous comprenez c'est quoi la logique, comment ça fonctionne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que c'est pas seulement avec ta barbe et ton thawb et ton voile que tu vas entrer au paradis, n'est-ce pas? Pour les personnes qui disent que la chose qui se répète toujours, bon, une personne mettant qui ne porte pas le voile, elle va dire oui, je ne porte pas le voile. Mais il y a combien de sœurs qui ne portent pas le voile et qui font le haram? Ou bien est-ce que celle qui porte le voile est nécessairement meilleure que celle qui ne porte pas le voile? Ou bien est-ce que celle qui porte le niqab, elle est nécessairement meilleure que celle qui porte le voile seulement ou bien qui ne porte pas du tout le voile? Là, on va dire, c'est du oui ou non. On doit détailler la réponse parce que ça peut être un piège. Voyez-vous, c'est parce que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, on ne se réfère pas à ce que d'autres personnes font. Je ne vais pas dire parce que, ok, regarde, moi je ne prie pas et lui il prie. Lui il prie, il boit de l'alcool. Moi je ne prie pas, je ne bois pas de l'alcool. Ça veut dire, tu vois, je ne prie pas mais je ne bois pas de l'alcool. Je suis une bonne personne, tu vois. Est-ce que c'est comme ça que la religion se définit? Est-ce que c'est en se comparant avec l'autre? Il prie pas, il prie, il boit de l'alcool, voilà ce qu'il fait. Regarde, il prie, c'est un menteur. Il prie et quand tu fais commerce avec lui, il fait de la tricherie et ainsi de suite. Est-ce que c'est à cause de la prière qu'il est en train de faire tout ça? Non. Voyez-vous, donc, le fait de dire est-ce que celle qui porte le niqab est nécessairement meilleure que celle qui ne le porte pas? Est-ce que celle qui porte le voile est nécessairement meilleure que celle qui ne le porte pas? On va dire ça dépend. Si tu parles de l'action en tant que telle, oui, l'action est meilleure, il n'y a pas de doute. Porter le voile est meilleur que ne pas porter le voile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. porter le niqab est meilleur que de ne pas porter le niqab auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la barbe, en termes d'importance, et quand on dit meilleur et ne pas meilleur, ça ne veut pas dire que c'est optionnel. On parle ici en termes d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la personne en général. Ça veut dire d'une personne théorique. Ça veut dire si on va imaginer deux personnes comme ça théoriques, n'est-ce pas, qui vont être nées maintenant, qui vont atteindre l'âge de puberté, comme ça, ils vont avoir 5 minutes pour vivre. L'une qui va dire, moi, je vais porter le voile. L'autre qui va dire, je ne vais pas porter le voile. 5 minutes après, les deux vont mourir, n'est-ce pas? Et on va assumer que le iman à l'intérieur du cœur est le même. Cette personne-là qui portait le voile auprès d'Allah sera meilleure que la deuxième personne. Mais quand on arrive à décider maintenant des personnes en tant que telles, ça, tu ne peux pas t'engager. Tu ne peux pas dire, ah, elle est meilleure que elle auprès d'Allah, c'est parce qu'elle porte le voile. Ou bien c'est parce qu'elle porte le niqab. Ou bien il est meilleur, plus religieux, parce qu'il porte la barbe. Non, c'est parce que bien sûr, d'un côté, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne se limite pas à ses pratiques. Ça veut dire la formule pour calculer ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement ton voile et ta barbe et ton thawb ou bien ton iqab, n'est-ce pas? Ça va faire intervenir ta prière. Est-ce que tu fais ta prière, ta zakat? Est-ce que tu payes ta zakat? Est-ce que tu fais ton jeûne? Est-ce que tu fais ton hajj? Est-ce que tu obéis à tes parents, n'est-ce pas? Est-ce que tu fais pas le haram? Est-ce que tu bois pas l'alcool? Toutes ces choses-là vont définir ta pratique de l'islam. Et en plus de ça, pour chaque action en tant que telle, il va y avoir le facteur inconnu pour nous, qui est ce qui est à l'intérieur du cœur de la personne, qui fait en sorte que cette prostituée de Banu Israël est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de beaucoup d'entre nous qui peut-être prions dans la mosquée et qui ont des barbes et ainsi de suite. C'est parce que peut-être que nous, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous pardonner alors qu'elle, elle a déjà été pardonnée. Vous comprenez comment est-ce que ça fonctionne? La logique? Donc le iman, c'est un tout. C'est un tout de toutes les composantes de la religion et ça a aussi la composante qui est cachée, ça veut dire ce qui est enraciné à l'intérieur du cœur, que ça, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît et nous, on ne peut pas le connaître et on ne peut pas le voir en quelque sorte. Taïe, maintenant, oui. Oui, entre autres, naam. Comme on va le voir, on va parler de ça, inshallah ta'ala, un peu quand on va parler de istithna fi al-iman, mais comme la sœur, elle dit. Ça implique, entre autres, qu'on ne peut jamais juger, même pour nous-mêmes, si une action a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pas. C'est pour ça que les salaf, radiyallahu ta'ala, ils avaient toujours peur que leurs actions n'étaient pas acceptées. Peut-être que tu as fait une action, peut-être que ton intention n'était pas la plus sincère. Ça veut dire que tu fais l'action et tu ne t'arrêtes pas pour te tourner comme ça et pour regarder ton action. Est tellement belle mon action, ma prière, mashallah, n'est-ce pas? Tu sors du Ramadan, tu vas t'arrêter comme ça et tu vas te retourner. Tu vas passer 2 semaines à regarder ton Ramadan. Mashallah, j'ai fait le i'tikaf, mashallah. Non, khalas. Tu as fini Ramadan, avance maintenant dans ta vie. Parce que si ton Ramadan a été accepté, khalas. Ta récompense, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'oublier. Ne t'en fais pas, n'est-ce pas? Alors, œuvre à avoir plus de bonnes actions. Si ton Ramadan n'a pas été accepté, perds pas ton temps à te réjouir de quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire travaille sur l'avenir et fais d'autres bonnes actions qui vont peut-être être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Non, barakallahu fik. Est-ce qu'on peut dire par exemple pour la prostituée qui a fait cette action, un alcoolique ou un voleur, etc. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, elle, toute sa vie, elle pouvait être sincère et toute sa vie, elle voulait juste se sortir de ce péché, mais elle n'arrivait pas et... On ne sait pas, Allahu alam. Nous, on s'arrête au hadith, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Maintenant, toutes les options sont possibles. Tu vois, donc, avant, les détails avant de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas décrit. Mais on s'arrête à dire que ce qui a été la cause directe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a informé que de ça, c'est le fait qu'elle a donné à boire à un chien. À cause de ce chien-là, à cause de cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Tu comprends? Mais ma question, c'est juste, est-ce que n'importe qui, ou il y avait genre comme un background, il y avait quelque chose... Non, en théorie, c'est n'importe qui. En pratique, on ne peut pas dire n'importe qui. On peut pas dire, tu vois, on ne peut pas s'avancer pour dire à n'importe quel gars, on va aller au bar, on va lui dire, mon frère, regarde, à partir d'aujourd'hui, va donner à boire à un chien, c'est fini. Tu vois, on ne peut pas l'appliquer à n'importe qui. Mais, en théorie, ça peut s'appliquer à n'importe qui. Mais il y a l'élément du cœur. Que ça, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Tu vois, donc nous, on ne peut pas s'avancer. On ne peut pas dire, ah mon frère, pour toi, je sais que dans ton cœur, tu es tellement fort. Maintenant, à cet instant, va donner à boire à un chien. Tu vois? Non. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire plus spécifiquement par contre-cœur? Dans quel sens? Ok. Ok, très bien. La sœur, elle dit que quand l'action en tant que telle est pénible, ok, ça veut dire à l'intérieur du cœur, il y a une certaine résistance à l'action, ok. Là, ça dépend. Si on parle de la pire des situations, ça veut dire que quelqu'un ne veut pas faire l'action. Ce qui le motive à faire l'action, c'est quoi? L'ostentation pour les gens. Parce que ses parents le forcent à le faire. Et ainsi de suite, ça, on s'entend tous que l'action n'est pas valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de nifaq. Mais maintenant, si on parle d'un autre sens, on parle ici de al-karahatu tabi'iyya, ça veut dire le contre-cœur naturel, n'est-ce pas? Ça veut dire le fait de se réveiller pour la prière de Fajr quand il fait très froid, quand la personne, quelqu'un a travaillé un chiffre de nuit, il a fini à 3 heures, il est rentré chez lui à 4 heures, le Fajr est à 5h30. Il est tellement KO, il dort un peu, après ça, une heure après, c'est le réveil. On comprend tous que pour une telle personne, c'est pénible de se réveiller pour Salat al-Fajr. Sauf si la foi, dans son cœur est tellement forte que il va se lever comme s'il allait à une fête, normal. Ça, c'est pour une personne qui est arrivée au, presque au niveau de Ihsan ou autre chose. Mais pour une personne régulière, n'est-ce pas, il y a une certaine résistance de Al-Hawa à l'intérieur du cœur de la personne. Est-ce que ça nous affecte en mal auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, bien au contraire. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est ça la religion. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِي الْهَوَى. C'est ce qu'on appelle الْمُجَاهَدَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. C'est ça ce qu'on appelle faire la guerre à ses passions internes. Gagner contre ses passions, pouvoir contrôler, pouvoir mettre un nafs comme ça de côté et avancer vers Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que quand il y a الْكَرَاهَ الطَّبِعِيَّ, si quelqu'un, il y a une différence entre quelqu'un qui déteste les bonnes actions parce qu'elles sont de bonnes actions, parce qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elles viennent de la religion, karihu ma anzal Allah. Man kariha ma anzal Allah. Il déteste une partie de la religion parce qu'il ne l'aime pas, il ne veut pas se soumettre. Il ne le fait que par hypocrisie, que par ostentation. Ça, ce n'est pas un croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui déteste dans le sens où ça va au contraire de ses passions, ça ne l'affecte en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs preuves. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala vient de dire, par exemple, pour Salat al-Fajr ou autre chose. Mais il y a d'autres preuves. Isbarul wudu'i ala al-makarih, fadhalikum al-ribat, fadhalikum al-ribat, fadhalikum al-ribat. Il dit le prophète, l'une des meilleures actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est celui qui fait isbarul wudu'i. Il soigne bien son wudu'i ala al-makarih. Dans une situation dans laquelle il n'aime pas faire le wudu. Ça veut dire quand il fait froid, par exemple, l'hiver et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le qital, la bataille a été prescrite sur vous, alors que vous la détestez. Ça veut dire que en temps de guerre, quand le croyant a le devoir de défendre sa religion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime aller souffrir et se blesser et risquer sa vie et laisser sa famille derrière? Rare, n'est-ce pas? Pour la personne normale, elle ne va pas aimer le faire. Si elle le fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, c'est elle fait al-mujahada pour faire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Wa huwa kurhun lakum. Vous le détestez, n'est-ce pas? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons dans la bataille de Badr, c'était quoi l'histoire de la bataille de Badr? Les compagnons, ils ont sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Yuriduna ira Quraysh. Ils voulaient tout simplement intercepter la caravane de Quraysh qui passait, qui transportait les richesses, etc. Ils ont dit, bon, ça c'est les gens de Quraysh, nous on est les Muhajirin. Ils nous ont enlevé toutes nos richesses avant qu'on quitte la Mecque. Maintenant, on va reprendre nos richesses, n'est-ce pas? S'imaginer que ça va être aussi simple que ça. Ils pensaient que c'était une caravane qui n'était pas sécurisée. Alors qu'en réalité, elle était sortie avec des soldats de Quraysh. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran al-Karim, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Vous espériez que ce soit la caravane qui n'était pas protégée, que c'est sur elle que vous allez tomber. Ah, voilà un butin facile, on prend et on revient chez nous et on reprend nos richesses. Pas aussi simple que ça. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala voulait les éprouver par cette caravane à travers la bataille de Badr. Donc non, le fait qu'on déteste, qu'on résiste à l'action, pas pour le fait que ce soit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que ça ne va pas avec nos passions, avec nos shahawat, on fait la mujahada, ça ne nous affecte en rien, même au contraire, on pourrait être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, wal ajru ala qadri al mashaq. Oui. Ça ne change pas en grand, ça reste une mauvaise action. Même si, comme on l'a mentionné, la mauvaise action en tant que telle, la récompense d'une bonne action va grandir le plus que c'est difficile de la pratiquer. Et la punition d'une mauvaise action sera plus grande le plus que c'est facile de l'éviter et qu'il y a moins de tentations. Non. Taïb, on va avancer, inshallah ta'ala, pour pouvoir se tenir à notre horaire, inshallah. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانُهُ. Maintenant, quels sont les exemples de cette variation de la foi? Ça veut dire, la foi, elle varie de quelle sorte exactement? On avait mentionné un seul exemple. Qui était quoi? Qui pourrait nous le rappeler? Avant ça. On avait dit que la foi, l'une des composantes de la foi, qui est la croyance dans le cœur, peut varier d'une personne à une autre. Elle varie par le yakin, par la certitude, l'attachement que la personne elle a à ses valeurs, à ses croyances. Et elle varie aussi par la connaissance. Plus de connaissance égale, normalement, plus de foi. Normalement, je dis normalement, c'est parce que ça se peut que plus de savoir ne va rien donner. Et ça, c'est dans quel cas? Hein? C'est quand il y a un problème à la racine. Encore une fois, c'est quand tu peux avoir beaucoup de connaissances, ça veut dire la croyance est élevée, n'est-ce pas? Mais l'amour et la soumission sont faibles. Alors là, ça, toute la croyance, n'est-ce pas? Ça va passer par le deuxième barrage, comme ça, le deuxième niveau, la deuxième porte qui est la soumission et l'amour. Et là, parce que la porte, c'est comme de l'eau qui passe, n'est-ce pas? Tu peux avoir, n'est-ce pas, un courant d'eau qui est extrêmement puissant, mais à un certain moment donné, il devra passer par une ouverture de 1 mm comme ça. C'est certain que ce que tu vas avoir comme résultat, ça va être un peu d'eau. C'est pas toute la pression que tu avais à l'origine. Donc là, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup de croyances, mais ça passe par le premier filtre qui est amour et soumission, qui est faible, qui est 0,005%, comme coefficient, ça va faire réduire toute cette connaissance, et ça va passer comme un iman qui est très faible, et c'est ça où tu vas voir les faibles dans les actions. N'est-ce pas? Tu peux avoir quelqu'un, c'est très fréquent là, quand il ramène, bon, c'est pas très très fréquent quand il ramène, mais très fréquent en termes, en réalité. Mais tu peux le trouver parfois, n'est-ce pas? Tu peux avoir, tu ramènes un qari d'un autre pays musulman, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Il vient pour diriger, mettons, Tarawih lors de la prière du Ramadan. Toi, tu vois, le gars, il fume la cigarette et tout, n'est-ce pas? Donc, il y a quelqu'un qui ne comprend rien. Il dit, lui, c'est un qari, il connaît le Coran, il fume la cigarette, je ne comprends rien, n'est-ce pas? Il y en a même, parfois, un qari, il ne fait pas ses prières. Ça veut dire, il ne fait sa prière seulement pour diriger, pour être payé, pour, n'est-ce pas? C'est quoi? Là, c'est toute la connaissance que tu as, le Coran, que tu connais, que quand ça passe par le premier filtre, dans la racine à l'intérieur, qui est l'amour et la soumission, c'est un coefficient qui est dans le 0.0000 quelque chose. Donc là, toute cette connaissance-là, ça va être réduit et ça va sortir en termes d'action, en termes de fruits, comme un autre gars qui a un peu de connaissance de l'islam et qui a quand même pas mal d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et de soumission. Vous comprenez? Donc, le résultat va dépendre de comment ça se passe à l'intérieur. Non. Oui. Comme vous avez dit dans un cours précédent, il y avait des personnes qui étudiaient l'islam juste pour la combattre. Ça, c'est munafiqin. Ça, c'est une hypocrite déclarée. Comme les orientalistes, les mustachiriquins, autre chose. Ça, un orientaliste, n'est-ce pas? La connaissance sur l'islam, il peut avoir comme ça. Mais lui, il a zéro amour, zéro soumission. Il n'y a rien qui sort. Même pas une seule prière dans sa vie. Il n'est pas mu'min. Tu vois? La connaissance ne lui sert à rien. Ça devient de la philosophie. Ça devient une base de données. C'est tout, emmagasiné. Et ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ça qui est la foi. Vous comprenez? Oui, oui. Non. L'intention pour apprendre, ça a un rapport, non? Oui, ça a un rapport, entre autres. Non. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل. Là, on va voir d'autres exemples de la variation de la foi. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. Regardez ici. Fait très important à comprendre, c'est que la foi, on l'a expliqué dans le sens la foi qui est dans le cœur, mais il y a aussi la foi à l'extérieur. C'est quoi la foi à l'extérieur? C'est la religion d'Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Ça veut dire la foi exemplaire, le 100%. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Les ahkam d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyances, toute la religion s'appelle aussi la foi. Mais ça, c'est la foi indépendamment de la personne. Parce qu'on comprend tous que la personne ne représente pas la religion d'Allah. Un musulman ne représente pas l'islam. L'islam, c'est quelque chose. C'est la foi à 100%. Le musulman, il peut avoir de la foi, mais il ne représente pas, c'est pas la foi à 100%. Okay? Maintenant, on a dit que la foi qui se trouve à l'intérieur de la personne peut dépendre d'une personne à une autre. Ben, imaginez que même la religion en tant que telle, la foi, elle a une variation. Elle n'est pas toujours la même. Comment ? Première chose, point de vue historique, du début de la révélation jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi, elle a évolué. Au début de l'islam, la foi c'était quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est tout ce que tu dois faire pour avoir la foi à 100%. T'es un mu'min et un muhsin. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à révéler de nouvelles choses. Les musulmans étaient éprouvés à la Mecque. Ils devraient se cacher, ainsi de suite. La pratique de l'islam était difficile. Donc là, tu as une nouvelle pratique de l'islam qui est la patience, as-sabr, qui vient d'être ajoutée à la foi. Fa'fou, wasfahou. Dans l'autre verset, wa in tasbiru, n'est-ce pas? Soyez patients face à ces épreuves des mouchriquins et ainsi de suite. Et avec le temps, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle la prière. Donc là, la prière va s'ajouter à la foi. Donc là, pour compléter la foi, tu dois lui inclure aussi la prière. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset qui a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum ». Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion. Je vous ai parfait votre religion. Ça veut dire, avant ça, la religion était incomplète. Mais elle était complète pour ceux qui étaient morts avant ça. Imaginez qu'il y a, et ça, beaucoup de personnes ne réalisent pas ça, n'est-ce pas pour, et ça te montre, subhanallah, que la connaissance en tant que telle, ce n'est pas la seule chose qui fait la différence entre une personne et une autre. Il y a de grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont morts au début de l'islam. Comme qui? Comme Hamza, radiyallahu anhu, n'est-ce pas, l'un des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez que nous, de nos jours aujourd'hui, le commun d'entre nous connaît le Coran plus que Hamza radiallahu ta'ala. Nous ne connaissons le Coran, c'est parce que Hamza est décédé et mort au début de à la première période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de, pas au tout début, mais je veux dire quand même, à une partie qui était pas mal antérieure, voyez-vous, de la vie de, du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Donc il y a beaucoup de versets dans le Coran Karim que Hamza radiyallahu anhu, dans ce bas monde, on ne parle pas dans l'au-delà, dans ce bas monde, il n'a jamais entendu parler de ça, et que nous on connaît. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous, on est meilleur que Hamza radiyallahu anhu? Non, c'est parce que la foi n'est pas seulement la connaissance et la croyance. Voyez? Donc là, la foi s'ajoutait. C'est comme une couche sur une couche sur une couche sur une couche jusqu'au jour où la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été complétée par Allah subhanahu wa ta'ala avant le décès du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Et c'est de cette façon, en passant, je vais juste ouvrir une parenthèse, pas directement mentionné ici, mais c'est de cette façon que certains ulama, ils ont expliqué les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala te dit par exemple Alladina yu'tuna الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dans un verset, ça te dit que les croyants, c'est ceux qui font la salat et ils donnent la zakat. Quelqu'un va dire, alors moi je ne fais pas le hajj. Ou bien alors moi je peux, tant que je fais ma prière et je fais ma zakat, je peux désobéir à mes parents. Non. C'est que certains ulama, comment est-ce qu'ils ont expliqué ça? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui font telle et telle chose, c'est les croyants. Quelque temps plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un autre verset. Et ceux qui font telle et telle et telle chose. Ça veut dire ajoute à ce qui a été révélé auparavant. Et à chaque fois, tu ajoutes aux caractéristiques des croyants. Voyez-vous, pour être un croyant, à chaque fois, tu dois monter. Mais bien sûr, de nos jours, la religion, elle est complète. Ok. Est-ce que de nos jours, la religion, en tant que religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut dépendre, encore une fois, peut être différente? Oui. Comment? D'une personne à une autre. On a parlé un peu de ça quand on a fait les héritiers des prophètes. Qu'est-ce que le riche doit faire que le pauvre ne doit pas faire? Payer la zakat. Donc pour le riche, pour qu'il atteigne le niveau de iman, pour qu'il monte de islam à iman, entre autres, il devra payer sa zakat. Le pauvre, pour atteindre le niveau de iman, ce n'est pas nécessaire pour lui de payer la zakat, c'est parce qu'il est pauvre. La zakat ne s'adresse pas à lui. Donc, sous cet angle-là, sa religion à lui, son islam à lui, est incomplet par rapport à l'islam du riche. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est moindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on parle ici de la religion, ça veut dire de ce qui est requis de lui. N'est-ce pas? C'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure. La religion que Hamza radiallahu anhu devait pratiquer a été moins complète que la religion que nous on doit pratiquer aujourd'hui. Même si Hamza radiallahu anhu il est plus haut que nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez tous? C'est clair? En général, le fort, le puissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire plus dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que le faible, le riche plus que le pauvre. Celui qui a des connaissances, il a plus de responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a moins de connaissances, et ainsi de suite. Et c'est avec ça que tu vas comprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et certains, ils vont utiliser comme une shubha contre la religion de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit des femmes? Naqisat wa aqlin wa din. Elles sont incomplètes dans leur aql et dans leur din, dans leur religion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont incomplètes dans leur religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a expliqué dans la fin du hadith. C'est que quand l'une d'entre elles est lors de ces périodes, elle a un certain jour, un certain nombre de jours par année ou par mois ou autre chose, lors desquels elle ne fait pas sa prière. Ça veut dire sa religion, sous cet aspect-là, sous l'aspect de la prière, est moins complète que la religion des hommes qui doivent prier plus. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est responsable. C'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné le droit de ne pas faire la prière lors de ces journées-là. C'est clair? Donc le iman, il évolue. Il peut monter et descendre indépendamment de la personne. Aujourd'hui, tu es pauvre. Ton iman, ça veut dire ta religion que Allah subhanahu wa ta'ala te demande, elle est incomplète parce qu'elle n'inclut pas la zakat. Tu n'es pas responsable. Mais la religion en tant que telle, pour décrire la religion que Allah il veut de toi, c'est pas toute la religion. C'est parce que la zakat ne te concerne pas. Dans un an, tu vas devenir un millionnaire, ta religion va monter. Parce que Allah voudra de toi que tu payes la zakat. Oui. Pour l'aql, c'est la même chose. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé que la shahada, le témoignage de l'un d'entre elles, dans le cas de ad-dayn, de ayat ad-dayn, ça veut dire du prêt en tant que tel, de la dette, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que farajulun wa mra'atan, ça veut dire deux femmes pour remplacer un homme dans le témoignage dans ce cas-là. Ça veut dire, encore une fois, dans le cas de la religion et de le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Dans la langue arabe, non. C'est ça. C'est parce que ça dépend du contexte. Tu vois, il faut toujours mettre le contexte. Le mot, le mettre dans son contexte pour le comprendre. Oui. Est-ce que ça rejoint le fait de dire, par exemple, craignez Allah, ce que vous pouvez, taqallah, nastata'atum, dans le sens que ce n'est pas la quantité de bonnes actions que fait la personne, mais c'est plus selon sa capacité, comme si c'est comme la multiplication qu'on avait dit. Ça se peut, Allahu a'lam, je ne peux pas te dire. Ça demande une réflexion plus. Ça demande une réflexion de 10 heures du matin, pas de 2 heures de l'après-midi. D'autres questions? Ok, Tayyib. Et même en termes de connaissances, en passant, n'est-ce pas l'iman ou al-mufassal? Regardez ça. En termes de connaissances, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du converti, celui qui vient de se convertir à l'islam maintenant, c'est quoi? C'est de connaître c'est quoi les piliers de sa foi. C'est quoi les nécessités de sa religion. Après ça, l'heure de la prière va arriver. Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui maintenant qu'il apprenne comment faire la prière. Après ça, le Ramadan va arriver. Avant ça, c'était suffisant pour lui de savoir à l'avance comme ça, mettant que lui, il est devenu musulman au mois de Shawwal. 11 mois avant le Ramadan. On va dire, bon, le Ramadan, c'est loin, etc. Je vais me soucier de ça après. Je sais qu'en islam, on doit jeûner le mois du Ramadan. That's it. C'est tout ce qu'il sait. Ça, c'est suffisant pour lui. Mais quand le Ramadan va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui maintenant qu'il passe de l'iman al-mujmal, de la connaissance globale, à l'iman al-mufassal, à la connaissance détaillée, c'est parce que maintenant ça le concerne. Il doit apprendre c'est quoi le jeûne, c'est quoi les conditions du jeûne, et ainsi de suite. Même chose pour le pèlerinage, même chose pour bien d'autres exemples. والتصديق pour revenir à l'exemple de tout à l'heure mais pour le détailler un peu plus. التصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح. La croyance dans le cœur qui implique les actions, les bonnes actions est plus forte qu'une croyance qui n'implique pas les bonnes actions. Il y a celui qui a peur de l'enfer et à cause de ça, il va s'abstenir des mauvaises actions. Et il y a celui qui croit en l'existence de l'enfer, mais sa croyance n'est pas aussi forte pour lui permettre d'éviter tel ou bien tel autre péché. Et là, ça va être différent, en quelque sorte, entre les deux. C'est pour ça que dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça dit « Laysa al-khabaru kal-mu'ayyan » L'information, écouter, entendre parler de quelque chose, ce n'est pas comme la voix. Même le yaqin en tant que tel, c'est pas le yaqin, je pense qu'on avait parlé, est-ce qu'on a parlé des degrés du yaqin la dernière fois? On a oublié, non? Ok. Les degrés de l'yaqin, c'est important à comprendre ça. La certitude. L'yaqin, c'est la certitude. Ça veut dire quand tu n'as aucun doute. Est-ce que le yaqin est le même pour tout le monde? Non. La certitude est de plusieurs degrés. Je vais vous mettre ça, inshallah, dans les notes de cours. Minimum, on a ce qu'on appelle « ilmul yaqin ». La certitude par connaissance. Je suis certain. Est-ce que tu crois en Allah? Oui, je crois en Allah. Est-ce que tu crois en le paradis? Oui, je crois en le paradis. Est-ce que tu es certain? Oui, je suis certain. Est-ce que tu l'as vu? Non. Alors ta croyance est une croyance de connaissance. Ça, c'est ce qui est requis pour le iman, pour que le iman soit juste. C'est ilmu al-yaqin. Après ça, ça monte. Le plus que 100%, ça monte. C'est le yaqin qui est plus que confirmé. Et ça arrive au niveau de ce qu'on appelle aïnul yaqin. C'est quand quelqu'un, il voit, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a entendu parler d'un accident, d'un n'importe quel incident à travers son père, il y croit, mais ce n'est pas comme son père qui a vu l'incident. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Laysa al-khabaru ka al-mu'ayyan » comme dans le hadith qui a été rapporté. Bon, ici, ça dit que c'est un hadith qui est authentique, mais en tout cas, on pourrait chercher, inshallah ta'ala, la référence du hadith, parce que ici, dans le texte, il ne nous donne pas de référence. Mais l'idée en tant que telle, elle est là. Et on a encore dans l'histoire, par exemple, de Moussa alayhi salam, Moïse, n'est-ce pas? Moussa alayhi salam, quand il est parti pour rencontrer son Seigneur, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné? Qu'est-ce qu'il a repris avec lui? Les plaquettes, l'alwah, n'est-ce pas, qui contenaient la révélation. Entre-temps, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que son peuple a fait? Ils ont adoré le veau, l'ijl, n'est-ce pas? Avant que Moussa alayhi salam ne quitte et ne retourne de chez Allah subhanahu wa ta'ala pour aller voir son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que ton peuple a été éprouvé et ils ont adoré le veau. Qu'est-ce que Moussa alayhi salam il a fait? Rien fait. Une fois que Moussa alayhi salam est arrivé et qu'il a vu son peuple adorer le veau, qu'est-ce qu'il a fait? وَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ. Il a laissé tomber les plaquettes ou bien les tables, les plaquettes, on peut les appeler, qui étaient entre ses mains. Pourquoi est-ce qu'il les a laissées tomber en quelque sorte? Pourquoi est-ce qu'il les a échappées? Il était choqué de ce qu'il venait de voir. Pas content, il était choqué. Son peuple adorait un veau, un animal. Commettait un shirk billahi azza wa jal. Pourquoi est-ce que Moussa alayhi salam n'a pas échappé les plaquettes au début, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé? Est-ce qu'il doutait de l'information? Non. Mais dans ce moment-là, il était dans ilm al-yaqin. Il avait la certitude qui venait. Mais une fois que tu vois, ce n'est pas comme quand tu entends parler. C'est pour ça que l'impact en tant que tel va être différent. Oui, mon frère. Il y a certitude par connaissance. Non, le deuxième, c'est certitude ilm al-yaqin. Quand tu vois, la certitude de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Hein, par? Avant ça. On peut dire par constatation, n'est-ce pas? La certitude de l'œil. Aïnul yaqin. C'est comme ça que ça s'appelle en arabe. Après ça, le niveau le plus haut de certitude, c'est ce qu'on appelle haqqul yaqin. C'est la certitude de l'expérience. C'est quand quelqu'un a vécu la chose. Il n'a pas vu, il a vécu. Quelqu'un qui voit quelqu'un en train de mourir, il a la certitude que cette personne-là, elle est mourante parce qu'il a vu. C'est aïnul yaqin. La personne qui est en train de mourir, elle est dans haqqul yaqin. Elle n'a pas vu la mort, elle est en train de vivre la mort. Sa certitude sera encore plus grande. Vous comprenez? Donc même le yaqin qui est à l'intérieur du cœur de la personne va être différent d'une personne à une autre. Et c'est pour ça que quand ce yaqin-là va s'affaiblir dans le cœur de la personne, ça va habituellement donner des fruits qui sont affaiblis en termes d'action de la personne en tant que telle. Et c'est pour ça, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va clore avec cet exemple pour cette partie, inshallah, et vous allez nous l'expliquer. J'ai fait semblant de laisser j'ai fait exprès de laisser ce hadith-là jusqu'à ce point-là. Je ne l'ai pas mentionné avant ça. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit? On va vous donner un exemple, un hadith, et c'est à vous de nous interpréter ce hadith maintenant. Parce que maintenant, vous avez compris c'est quoi les bases de la foi. Il faut appliquer ces règles qu'on vient de voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Celui qui commet la fornication, lorsqu'il la commet, il n'est pas un mu'min. Et celui qui vole, la même chose. Et celui qui boit de l'alcool, la même chose. Lorsqu'il commet ce péché-là, ce n'est pas un mu'min. Là, je vais vous poser un problème. Les khawarij, les kharijites, ils ont pris un hadith comme ça. Ils ont dit, ça veut dire, il n'est pas mu'min, il est kafir. Ça veut dire, celui qui commet des péchés, comme la fornication, comme voler, comme boire de l'alcool, c'est un mécréant. Aussi simple que ça. Comment est-ce que nous, on va leur répondre? On va leur dire que c'est faux. Parce que ça ne va pas avec les fondements de Ahlu Sunnah wa Al-Jama'a, ça ne va pas avec les autres textes. Mais maintenant, comment interpréter ce texte? Comment le comprendre? Excellent. Donc, d'un côté, une interprétation qui nous explique ça, et on va donner une autre interprétation, et les deux sont bonnes, les deux sont complémentaires. D'un côté, à l'intérieur du cœur de la personne, ça veut dire que, est-ce que tu peux imaginer, est-ce que c'est concevable que celui qui va commettre un grand péché, comme voler, fornication, ou bien boire de l'alcool, est-ce que c'est concevable qu'à ce moment-là, il est au full de son yaqin? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est concevable qu'à ce moment-là, il est en train d'avoir le khushu' qu'il a habituellement dans son qiyam ou layl? Il l'a, il l'a gardé maintenant. Il est concentré comme ça, il pense au paradis, en enfer, etc. Et il va commettre ce péché. Est-ce que c'est concevable? Non. Est-ce qu'il est tombé dans at-takdhib? Est-ce qu'il a dit non, le paradis, c'est pas vrai, l'enfer, c'est pas vrai? Non. Mais cette croyance-là est tombée dans l'inconscient. Voyez-vous, elle a été mise à la marge, elle s'est endormie à l'intérieur du cœur de la personne. Rafala, n'est-ce pas? Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala que les gens qui ont taqwa, que quand le shaytan tourne aux alentours de eux, il les touche par quelque chose, ça veut dire qu'il les mène vers une marsiya, désobéissance, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Juste après, parce qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, tadakkaru, ils vont se rappeler, fa'idahum mubsirun. Et là, ils vont commencer à voir. C'est comme si cette, n'est-ce pas? C'est comme un voile temporaire comme ça, qui t'a pas enlevé le iman, mais qui l'a mis en suspens. Ton tasdir, ta croyance, a été emmagasinée quelque part dans ton cœur, elle a été mise à l'écart. Vous comprenez? Oui, exactement. Naam, exactement. Il est mort sur un grand péché. Mais est-ce qu'il est mort en tant que mécréant? Non. Donc ça, c'est la première interprétation qui est valide. Et il y a aussi une autre interprétation du hadith qui vient compléter la première interprétation qui est aussi valide. Qui est quoi? Celui, hein? Daf al-Iman. Très bien. Voyez-vous? Parce qu'il a commis la fornication, par exemple, il a commis un grand péché, donc là, ça cause un grand écart dans son Iman. Voyez-vous? Donc là, c'est certain qu'il n'est pas, il ne mérite pas là le niveau de l'Iman. Il est tombé de l'Iman, il est sorti vers où? Vers l'Islam. Il n'est pas sorti de l'Iman vers le Kufr, il est sorti de l'Iman vers l'islam, il a été relégué, voyez-vous? C'est parce que là, c'est comme le toit s'est creusé, il est tombé du deuxième étage au premier étage. Vous comprenez? C'est parce que là, il y a un creux dans son iman. Alors, avant ça, mettons, on assume qu'il était mu'min, c'était quelqu'un qui faisait toutes les obligations, il s'éloignait du haram, etc. Quelqu'un d'exemplaire, ah, il a volé, ah, il a bu de l'alcool, ah, il a commis la fornication, là, pff, une chute. Et là, il ne mérite plus son titre de iman, on va lui retirer ce titre-là et va tomber dans le titre de al-islam. N'importe lequel des trois. Okay. J'ai dit n'importe lequel, je n'ai pas dit personne. Par rapport à la racine de la foi, c'est-à-dire une personne qui était bien, nulle, si elle a commis des grands péchés, est-ce qu'il a sa racine de la foi, elle est touchée par rapport à ça? Oui, certainement. On va le voir tout à l'heure. Inch'Allah, plus tard, on va avoir une section sur la question de التلازم بين الظاهر والباطن. La relation mutuelle entre l'interne et l'externe. On va voir que les deux s'affectent. L'interne affecte l'externe et l'externe aussi affecte l'interne. On va le voir plus tard, Inch'Allah. Oui. Alors, on a dit que quand on cite dans un texte, mu'min tout seul, ça représente le tout. Oui. Donc, à cet instant, s'il n'est pas mu'min, pendant qu'il le fait, ça veut dire que... Non, mais ici, ça parle du titre. De son titre à lui, tu vois, ça n'a pas dit de l'iman. Il n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala imana. Il a dit, wa huwa mu'min. Il ne peut pas être un mu'min. Ça parle de la personne en tant que telle, tu vois. Non, ça veut dire le titre en tant que tel, il ne le mérite pas. Il y a une différence, comme les ulama, ils disent, iman al-mutlaq wa mutlaqu al-iman. Mutlaq al-iman, c'est, il a du iman avec lui. Il y a quelque chose. Al-iman al-mutlaq, c'est la foi, c'est le iman complet, ça veut dire le iman obligatoire. Ça, pour l'avoir, tu dois faire toutes tes obligations et éviter tous les interdits. Tu avais une question? C'est correct? D'autres questions? Ok, on va s'arrêter à ce niveau, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.